Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et 4 épisodes pour 59 minutes de radio Coups humains. Cette semaine, une histoire du mouvement des travailleurs arabes, une série d'Ager Ben Boubaker, réalisée par Angélique Thibault. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce qu'au moment où l'on commémore la nuit meurtrière du 17 octobre 1961, et alors que résonnent les discours racistes de cette année électorale, on a eu envie de faire entendre des voix qu'on a oubliées et qui sont la mémoire des mobilisations politiques antiracistes des travailleurs arabes. Et dans vos oreilles aujourd'hui, du théâtre, des sketchs, des cassettes usées à force d'être écoutées, et un homme qui appelle la radio la nuit pour dire qu'il se souvient de ses mains attachées dans son dos et d'avoir vu des policiers français jeter des dizaines de manifestants algériens dans la Seine. Mais pour commencer, premier épisode, il faut donner de la voix. Ici Radio Racifa, la cassette retrouvée. Ager Ben Boubaker, Angélique Thibault. Radio Racifa, صوت العمال العرب, صوت العمال المهاجرين. Ici Radio Racifa, actualité, musique, théâtre. Le Qaïd, il veut me voir, pourquoi? Je fais pas de politique. Non, il m'a dit cette fois-ci, c'est pas pour t'amener en prison. En cherchant à comprendre le silence paternel autour de son arrivée en France, en 1971, en tant qu'OS, au moment même où le pays s'interroge sur le continuum d'une violence raciste, j'ai commencé des recherches autour du mouvement des travailleurs arabes, mouvement fondateur, véritable mythe de l'histoire de l'immigration. C'est avec l'intime persuasion que l'histoire du mouvement des travailleurs arabes, MTA, remettrait en cause le mythe de l'échine courbée, accolée à la première génération d'immigrés maghrébins, que je suis partie à la recherche de témoins de l'époque. Le hasard et l'amitié ont voulu que je les trouve d'abord parmi mes proches. Cette aventure m'a amenée à découvrir une cassette, mystérieuse, intitulée « Ici Radio Racifa ». Point d'entrée pour comprendre 10 années de victoires, d'espoir et de défaites fondamentales, oubliées au détriment de la seule marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983. Bah oui, c'était des tontons. Enfin, vraiment un truc, tous, tu vois, et tout le monde, c'était des tontons et des tatas. Parce que, en plus, on était vraiment les mômes du groupe. Enfin, tu vois, il y a le côté... Comment tu te souviens de comment ta mère rencontre... arrive au MTA ? Arrive en France, arrive au MTA, je sais pas. Elle arrive en France seule. Elle nous laisse au bled. Amel, fille de Khera. Et en fait... militante du MTA. Elle était en foyer de jeunes travailleurs. Et c'était la manif du 1er mai. Et elle a entendu de la Daboka. Elle m'a dit, j'ai traversé tout le truc, genre au son, pour aller les rejoindre. Pour rejoindre. Pareil, c'est un truc, je crois qu'elle était... Elle est partie en 73, elle les a rencontrés genre 6 mois après qu'elle soit arrivée. Donc vraiment, c'était très tôt. Et elle est tombée sur eux. Voilà. Et quand elle est venue me chercher, moi j'avais quitté une femme. J'avais 3 ans. J'avais quitté une femme qui était secrétaire au secrétariat de la préfecture, le secrétaire du préfet, très apprêtée, le brushing. Elle est revenue en pantalon militaire, les cheveux comme ça. Je l'avais même pas reconnue. Il paraît qu'elle a ouvert, on a ouvert la porte, j'étais comme ça et tout. Et je suis partie. Et elle m'a dit, eh ben, maman. Du coup, comme j'ai reconnu la voix, du coup, elle m'a dit, tu m'as regardé, genre, c'est qui cette chose? Et c'est vrai que c'était touchant pour moi, tu vois, que ça revienne et tout. Et c'est important aussi sur, ouais, pour tout ce qu'ils ont fait. Et ils ont beaucoup risqué pour nous, quoi, tu vois. Et je trouve ça important et je trouve ça très très bien qu'il y ait ce truc. Même s'ils sont pas tous, tu vois, ils ont pas tous envie de parler, mais... et c'est important pour tout le monde de savoir que ça a existé. Enfin, tu vois, il n'y a pas eu la guerre d'Algérie, les décolonisations, la marche pour l'égalité, et puis plus rien. Il y a eu plein de choses avant, quoi. Ils font des cassettes aussi. Justement, ça, j'en ai une. Que j'étais là, chez ma mère et tout, en fait, je cherchais des cassettes que j'avais enregistrées d'émissions de rap sur Nova dans les années 80. Et des fois, elle avait enregistré des trucs sur Radio Soleil. Tu sais, t'avais ta dynastie et tout, truc et tout, t'en as contenté. Et t'es là, oh, pourquoi elle a fait ça? On l'a maudite. Et en fait, j'ai retrouvé une cassette que j'ai là de Radio Asifa en fait. Donc ils ont enregistré l'émission. Voilà, tu vois. C'est dingue. Et je te la prête. Par contre, elle est à ma mère. Donc je te la rends, c'est ça? C'est rendu, pas abîmé, elle a gardé. T'as vu, c'est en bon état. Tu vois, on y fait très attention et elle est rendue. Ce 15 octobre 1983, ils sont une trentaine au rendez-vous de la Caillole à Marseille, la même où, en mars dernier, deux enfants de gitans étaient victimes de la haine aveugle. En ces instants mémorables, le doute assaille les esprits. Sera-t-on entendu, écouté, compris? Le 22 long riff et la psychose de l'insécurité n'ont-ils pas déjà creusé le fossé? Émission Mosaïque, 1983. Rien n'aurait été possible sans les mouvements pionniers portés par leurs parents, même si les enfants d'immigration de cette marche n'en ont pas conscience du tout. Historienne. Ils ont l'impression, comme chaque génération spontanée, d'avoir inventé la poudre, mais ils sont les héritiers de la génération précédente. Et c'est cette nouvelle génération militante qui n'a pas encore conscience de son héritage des luttes, qui va traverser le miroir et, j'allais dire, être médiatique là où leurs parents ne l'ont pas été. Ces militants du MTA des années 70 sont les grands frères des marcheurs de 83. L'humour, disait le poète, c'est la politesse du désespoir. La violence, disent les minguettes, c'est le bagne des exclus. Avec le ghetto pour ligne d'horizon, un habitat en forme de meurtrière, une scolarité qui conforte les inégalités, une formation qui se dérobe, un emploi qui se refuse, le chômage, complice de l'oisiveté. Au seuil de leur vie d'adulte, deux jeunes garçons ont refusé l'engrenage de la violence et de la haine. Mosaïque était présent en février de cette année, lorsque Jamel, Toumi et leurs camarades décidaient de réagir et de s'organiser. Bientôt, SOS Avenir Minguette allait voir le jour. La mémoire collective... effectivement ont retenu davantage la marche pour l'égalité et contre le racisme de 83. Mognis Abdallah, parce qu'elle était vécue comme un événement fondateur de l'agence Immédiat, de jeunes qui se revendiquaient français et qui s'adressaient à la société française dans son ensemble. Mais avant que ne se réalise la prophétie, la route pavée d'intentions généreuses est aussi semée d'embûches. Serait-ce une fatalité de l'histoire qui veut que les messies doivent toujours triompher d'une succession d'épreuves? La bonne parole ne serait-elle entendue qu'au prix des larmes et du sang? Lorsque la société trébuche, pourquoi incriminer celui qui ferme la marche? Lorsque la société prend froid, pourquoi désigner du doigt celui qui est le moins couvert? Mohamed Boufenchouch, 53 ans. Abden Bigemia, 19 ans. Yazid Rouri, 23 ans. Moussa Mezog, 19 ans. Toufiq Ouannès, 9 ans. Mohamed Rebahi, 11 ans. Massemba Badian, 12 ans. Zineb Sadi, 30 ans. Habib Grimzi, 26 ans. Entre 1982 et 1983, plus de 50 crimes et agressions racistes sont commis, visant des adolescents, parfois même des enfants. Les luttes des années 70 sont plus vécues comme des luttes sectorielles. Puis c'est une autre génération. Et c'est pour cela que quand ils arrivent, accueillis par l'Élysée, et qu'on leur demande quelle est leur demande au président Mitterrand, ils ne savent pas quoi répondre. Parce qu'à part de leur dire « arrêtez le crime raciste et faites-nous de la place, on est ici chez nous », eux-mêmes ont droit au séjour, ils sont la plupart français, ils n'ont pas de problématique de droit au séjour. Les anciens militants du MTA, et notamment la rédaction Sans Frontières et un certain Saïd Bouziri, vont leur chuchoter à l'oreille de demander la fameuse carte de résidence de 10 ans, ce qu'ils vont demander et ce qu'ils vont obtenir, puisque c'est ce qui va être annoncé sur le perron de l'Élysée en leur présence. C'est là que la jonction se fait, que la génération Beurre et la génération du MTA, sur cette fameuse carte de 10 ans, carte de résidence de 10 ans. بابيه وقت مونبوليه وقت اللي اكسبلساوهم كلمه طومبل ضد الراسيزم ايوا ضد الراسيزم هجمت عليهم لاميكال باللي بالسلاسل وبالمطراك على روسهم وجرحت منهم فيهم الخوت اللي مازالوا جروح في روسهم في باريس وقت الكراف جينيرال ضد العنصريه Runa, cher imam. Sunaku tara. Alors, ici Radio Asifa, c'est une des 3-4 cassettes produites par l'agence Immédiat, non? Merde. Magazine sonore d'expression arabe Immédiat. Cette cassette, ici Radio Asifa, c'est un prémisse des radios immigrées à venir. Au début des années 80, le phénomène des radios libres et la libération des fréquences. En fait, l'immigration, notamment maghrébine et africaine, utilisait beaucoup les cassettes audio pour toutes sortes de choses, notamment pour la correspondance. Bon, beaucoup étaient analphabètes, mais pas seulement. Ils trouvaient que c'était génial de pouvoir s'enregistrer et d'envoyer la cassette au pays. إذاعة العاصفة اللي تعطي حق الكلام في بلاد اللي ما عندنا فيه حتى شي حق. إذاعة العمال العرب منهم وإليهم. Donc Radio Asifa, c'est radio cassette, mais en vrai sens du terme radio cassette, c'était des cassettes. On a proposé aux immigrés, de un peu comme les nationalistes de l'entre-deux-guerres, de les sensibiliser au combat pour les droits, pour la Palestine et pour leurs droits ici en France, avec des cassettes qu'on distribuait sous le manteau aussi aux travailleurs immigrés, dans les quartiers, comme à Barbès, qui est un peu la maison mère de ces mobilisations. Et ces cassettes, alors je ne saurais plus te dire si, à ma connaissance, il y en a 3 ou 4, c'est ça? Cette cassette, donc tu as la même en fait, Mognis, comme tu sais, c'est la première personne que j'ai contactée quand j'ai découvert cette cassette, c'est toi. Et il me semble qu'elle a aussi un lien avec un grand mouvement, tu m'avais parlé. C'est une histoire tellement riche que... Vous faire des priorités. Mais effectivement, c'était surtout l'été 73. L'idée, c'était de... On ne part pas en vacances. On va sur les lieux de lutte pendant l'été. Lippe, à Besançon, Larzac, sur le plateau du Larzac. Et Mortar, la branche culturelle, on va dire, du MTA... Philippe Tancelin et Geneviève Clancy et Mortar vont à Lippe pour soutenir la grève des travailleurs et des travailleuses de Lippe, qui était très originale puisqu'ils ont réquisitionné les montres que fabriquait Lippe et ils les revendaient. Etc. Ils racontent un peu aux grévistes les histoires d'immigration, les histoires d'immigrés. Et alors, ils reçoivent une réponse très bizarre de la part de leur interlocuteur. Si la situation des immigrés est aussi grave, pourquoi vous rentrez pas chez vous? Alors, Mortar est estomaqué. Et en rentrant, ils se sont dit, il faut qu'on raconte nos histoires sous forme de sketch. C'est comme ça qu'est né le théâtre à la Asifa. Asifa, El Asifa, la tempête. Pourquoi ce nom à la troupe? C'est pas en référence à Shakespeare, hein. C'est en référence à la résistance palestinienne. Et il y a 15 jours, je passais dans la rue. Si tu veux partir en Europe, travailler, surtout la France. Si tu veux pas là-bas les gens qui soient racistes, il faut parler leur langue. C'est pour ça que moi, le Qaïd m'a dit qu'il faut parler le français. Alors j'ai appris, je parle. Cassette, Radio Racifa, 1975. Alors, je passais dans les rues du village. Le village. Vous connaissez Mohamed? Le fils de Qaïd, le fils de Qaïd. Oui, son père, il est Qaïd. Moi, je l'ai lu. Mon père, il est paysan. On l'a fait comme ça. On l'a enlevé sa terre, c'est pour le roi. Il est pauvre, le roi. Et moi, j'étais dans un lycée. On m'a foutu dehors. Et Mohamed, fils de Qaïd, comme d'habitude, il est maintenant à la faculté, comme tous les fils de Qaïd. Ah. Il fait la médecine, t'bib. Ah, t'bib, docteur. L'autre fois, je marchais dans la rue, comme ça. Comme d'habitude, sur le chemin de la maison... Le café. La maison... Le café. Comme tous les Marocains au chômage. Je me nomme Philippe Tancelin. Je suis un des rares témoins, hélas, de toute cette époque au cours de laquelle les travailleurs immigrés en France ont lutté pour leur dignité, pour leurs droits. J'étais un militant de la cause du peuple, qui était une organisation dite maoïste, qui était dirigée par Jean-Paul Sartre. J'ai été acteur et témoin et acteur de la troupe à la CFA, qui a été la première troupe de travailleurs immigrés en France. CFA, la tempête, c'est le vent de la revendication d'une puissance culturelle. Qu'est-ce qui se passe quand on se retrouve en France dans une situation d'esclave? Et qu'est-ce que nous, on va exprimer de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit et de ce qu'on veut? Bon, à Libre, c'était exceptionnel, c'était vraiment merveilleux, quoi. Et donc, il y a eu une tentative de liquidation de cette entreprise, et donc, il y a eu un mouvement des travailleurs qui a reproposé l'expérience d'une autogestion. Donc, tu as dit, mais alors, on va y aller, on va pas y aller avec des tracts. Donc, ils disent, bah, on va peut-être faire des sketchs. Ils ont commencé à faire un sketch. Ah, monsieur Jacques, on est pas fait. Vous n'êtes pas à Barbès. Pas de bagarre ici. Alors, 21h47. Voilà, 21h06. Non, ça, c'est pas encore là. Voilà. Donc, on est 53. C'est moi, Habib. Moussafa. Fauzia, Geneviève. Participons à l'affirmation de la culture immigrée. C'est-à-dire qu'on dit qu'en France, le fait qu'il y ait une population immigrée, elle a une culture, et que cette culture, elle est niée totalement. Parce que je me rappelle par exemple que il y a quelqu'un qui voulait faire un article sur nous dans un petit journal. On a discuté pendant une demi-heure, je crois, sur cette spécificité-là. Ça ne l'a pas empêché le lendemain d'écrire dans son journal que c'était du folklore marocain. C'est aussi des événements plus ou moins légalement déclarés, de théâtre un peu d'éducation populaire, pour expliquer les luttes et éveiller les consciences à la demande de droit. Oui, ça change, hein, 50 ans plus tard. On ne refait pas la vie. Tant mieux d'ailleurs, tant mieux parce que... Ah, magnifique, les plus beaux de ma vie, et vraiment, les plus beaux de ma vie. Et ils empruntent aussi à ce qui a été fait dans les milieux nationaux des années 20 à Paris, où on proposait des pièces de théâtre pour éveiller à la personnalité algérienne dans le cas algérien. Et plus largement maghrébine, les ouvriers qui n'avaient pas une conscience politique. Et je pense que ce travail d'éducation des masses, on disait à l'époque, il est porté ici par la CFA de manière assez réjouissante. C'est un peu la BNF chez toi, en fait. Pardon ? C'est un peu la BNF, hein, Mougnis, la BNF de l'immigration. Ouais. Bah oui, enfin regarde, tu me sors des vestiges. Vestiges ? Vestiges, c'est un terme un peu... Ouais. C'est quoi ça, Mognis? Je sais pas. À l'époque du MTA, l'auto-organisation était-elle une notion importante? Oui et non. En fait, la grande peur des militants du MTA, c'était de... C'était d'être structuré d'une manière très figée. Le mouvement restait très souple. Cette souplesse de fonctionnement n'a pas permis d'avoir des structures de continuité. En fait, le MTA n'a existé que par les mouvements de masse qu'il impulsait à l'époque en permanence. C'était une grande force et en même temps une grande faiblesse. Parce que les mouvements de masse ne débouchaient ni sur un syndicat, ni sur une organisation politique. Le MTA, c'était un groupe, un mouvement. Que sont devenus les militants du MTA? Les parcours sont très divers. Il y a des gens qui sont toujours en France, mais d'autres sont partis dans leur pays d'origine. C'était un mouvement très mélangé. Il y avait à la fois des intellectuels et des travailleurs manuels. Certains ont continué à faire du social, d'autres ont travaillé dans des comités d'entreprise et d'autres encore sont restés ouvriers. Et pour la petite présentation, Mognis? Bon, je suis Mognis Ahmed Abdallah. Je m'occupe actuellement des archives de l'agence Immédia, qui est une agence de presse sur la question de l'immigration et des quartiers populaires, qui est née en 1983. Qui reprend l'idée d'une filiation avec ceux qui précèdent, notamment l'agence Immédia, boîte à outils à l'époque du mouvement des travailleurs arabes et du mouvement culturel de la RACFA, qui a produit un certain nombre de cassettes radio, des affiches comme murales comme Le Cri des Murs, etc. D'où peut-être une réputation d'archiviste aliéné ou fou. Mais je pense que c'est un travail qui est nécessaire. Et quand il y a des projets comme votre émission sur France Culture, et bien là on dira que la relève est assurée. Donc déjà, moi je suis arrivé en France à l'âge de 9 ans, de père égyptien, de mère danoise, à la frontière. Alors, j'étais minot, donc à l'époque j'avais 9 ans. Je remarque un truc bizarre, le contrôle à la frontière. On est arrivé en bagnole, et les douaniers et la police des frontières, ils font des vannes bizarres sur Nasser. L'agressivité m'avait déjà marqué. J'ai appris le français très vite, en 3 mois. Et à la rentrée, c'est l'appel. Et le maître ou la maîtresse, je ne sais plus, commence par Abdallah. Tous les mômes, ils se retournent comme ça. Ils me regardent. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je pensais qu'ils étaient racistes. Gamin, au début, j'avais pas trop les moyens, donc je piquais au marché Black Le Rock, Hakim, Zambla, tout ça. Et c'est seulement plus tard, qu'en grandissant, que je découvre Tintin au Pays de l'Or Noir. Et il y a le petit prince Abdallah qui fait des conneries à longueur de journée. Et je dis, ah ben voilà, c'est même pas une histoire de racisme, c'est le petit prince Abdallah. Voilà comment je commence à prendre conscience de l'altérité, pour parler classe d'aujourd'hui. Mais le début de mon engagement, on va dire, c'est l'année 73. 73, c'est l'année de la guerre d'octobre. Bon, j'avais 16 ans déjà. Et au Bahut, je faisais un journal, comme on faisait, des fanzines. Et dedans, il y avait beaucoup de papiers sur la guerre entre Israël et les pays arabes. Moi, j'avais passé mes vacances d'été en Égypte. J'ai suivi toute la guerre à la radio. Et je commençais à écrire et à contacter des gens qui s'engageaient sur la Palestine, sur Paris. C'est dans le cadre de la diffusion de L'Encrier, le petit fanzine, que j'ai rencontré des tas de gens. Au 14 juillet, il y avait le cinéma qui venait d'ouvrir, c'était Main Carmitz, c'était vraiment un endroit fréquenté par les militants anti-impérialistes et tout ça. Et un petit café qui était à côté qui s'appelait Eugénie. Je ne sais plus si c'est dans la librairie ou Eugénie que j'ai rencontré Mokhtar Bachiri, mais c'était en 73. En arabe, c'est le chef du village. Donc Mokhtar était un ouvrier marocain qui a d'abord travaillé dans les mines au Maroc, et puis ensuite qui est venu par l'ONI, c'est-à-dire l'Office National d'Immigration, qui est venu en France et qui a été taulier à Chausson. Il faisait partie donc de la même organisation maoïste de l'époque, avec nombre de ses camarades arabes, dont Saïd Bouziri, etc. Donc Mokhtar a été l'initiateur, je veux dire, avec Saïd Bouziri, il a été l'initiateur du mouvement des travailleurs arabes. Alors disons qu'il était la personnalité ouvrière, et en même temps c'était un homme qui était une grande capacité intellectuelle, et c'était surtout un orateur. Voilà. Et il a été bien sûr aussi l'initiateur donc de la troupe à la CIFA. Moi, je pensais que Mokhtar allait faire une carrière de comédien. Il avait du charisme d'une part, mais aussi il en imposait, il avait une présence en scène. Bernard Le Hample, ancien militant. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui devait faire du théâtre ou du cinéma. Geneviève avait des liens dans le monde théâtral aussi, tu vois, quand il a été torturé en Iran, au Maroc, quand il a fait ce retour malheureux au Maroc, il est allé trouver Jean-Louis Barrault, etc., qui se sont mobilisés là-dessus pour faire libérer Mokhtar. Non, voilà, c'est quelqu'un qui devait faire du théâtre, de toute façon. Radio SIFA, Radio Tempête en français, est le premier journal sonore édité en France sur cassette. Produit par le Centre d'information Immédia, qui publiait déjà Le Cri des Murs, journal destiné à l'affichage mural, Radio SIFA vise davantage à être la conscience de la culture de l'immigration arabe que de sa politique. Courant alternatif court-circuit, France Culture, 1976. Nous, nous sommes issus en tant que projet de presse de toute l'histoire de la presse d'extrême gauche après 1968. Pierre Jacquin. C'est-à-dire soit l'APL, J'accuse, Libération ou autre. Enfin, tout ce qui a pu se produire dans la presse d'extrême gauche après 1968, je crois qu'entre Patrick et moi-même, nous y avons touché d'assez près. J'ai toujours fait l'actif, excusez-moi. Allô, bonjour. Tiens, comment vas-tu? Maman, je vais très bien. Je suis avec notre ami journaliste et son ami qui prend la parole. Et voilà, je suis en train de parler avec eux. Ouais. Allez, salut tout le monde là-bas et à très bientôt. On va pas dégarder. Je veux juste vous faire écouter quelqu'un. Ça, c'est Mokhtar et Jilali. C'est les gens qui faisaient la pièce de théâtre. À la Rassifa, à l'époque. Vous n'êtes pas Barbès, pas de bagarre ici. Sahara. Voilà, ça, c'est Mokhtar. On est au Sahara ou pas au Sahara. Mais Fawzi a fait partie de cette troupe avec Philippe Tancelin et Geneviève Clancy, la sœur de Philippe Tancelin. Hamza Bouziri, membre du mouvement des travailleurs arabes. Ils attaquent la marche verte. Et frère de Saïd Bouziri. Et ça faisait rire tout le monde. Ça, c'était dans les foyers, c'était des gens se bidonnaient. Hein. Ça marchait bien les cassettes. Ah oui, ça bidonnait. Moi, je passais ma vie à faire écouter dans les foyers tout ça. Gennevilliers avait un foyer de travailleurs arabes. Tout le monde était MTA. C'est l'usine. Comment elle s'appelle la grande usine de Gennevilliers? Chausson, le chien Chausson. Mokhtar était jusqu'à la fin de sa vie. Hein. Enfin, il est revenu plusieurs fois pour travailler à Chausson. Mokhtar. Ouais. Ah, si, je voulais absolument vous le montrer quand même. Parce que c'est super, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et le truc, tout écrit en arabe. Et Média, donc c'est Patrick Filliou, Pierre Jacquin, et surtout celui qui nous aidait le plus par rapport au montage. De la cassette, Pierre Loher. Pierre Loher était le directeur de FIP. Et FIP, c'était pour nous notre maison. Quand il finissait de travailler, le soir, vers 10h, on rentrait jusqu'à 2-3 heures du matin. Et on avait toutes les trucs qui tournaient pour couper, pour monter, faire le montage. On avait un agra, nous. On avait un agra. Et on ramenait ça à la maison de la radio. Et après, je me prenais tout ça et j'allais faire dupliquer tout ça à l'allée des Dames du côté de cette porte Saint-Cloud. On en sortait pour la première sortie 1500 pour la première sortie. Et vous les avez distribués dans les foyers, dans les foyers. Ouais. Dans les cafés, il paraît aussi. Dans les cafés, les foyers, les cafés surtout. Ouais. Les foyers, les cafés, c'est sûr, partout. Le jeune Hamza, chevelu, je n'ai pas connu aussi chevelu, Hamza Bouziri, qui c'est un homme de l'ombre. Hamza, c'est pas quelqu'un que les gens connaissent, que les Français connaissent. Mais même Saïd, j'ai envie de dire qu'il a voilà, aujourd'hui une place à Paris porte son nom, le square Saint-Bruno Saïd Bouziri dans le 18e, mais ça reste des militants de l'ombre. Et c'est peut-être ça qui fait que la postérité pêche et manque par manque d'incarnation. Je pense que c'est une génération qui est traversée par l'humilité et aussi par les conditions de clandestinité qu'ils ont connues. Ils étaient entre le marteau et l'enclume, entre le risque d'être expulsés pour trouble à l'ordre public en France et le risque d'être faire l'objet de représailles dans leur pays d'origine, parce qu'ils étaient dissidents. Ils étaient militants des droits humains dans les deux pays. Et Hamza fait partie de ces militants encore aujourd'hui qui ont travaillé dans cet entre-deux. Moi, j'appelle ça cet entre-deux. Je vous parle du journal Libération parce que on ne sait pas ce que doit le journal Libération à l'immigration. Parce qu'aujourd'hui, quand on lit Libération, on n'y trouve pas la trace. Mais cette maison de l'extrême-gauche et de la gauche qui a été Libération, en tout cas dans sa version des années 70, elle est liée à l'héritage de mai 68 et notamment à l'engagement de certains militants auprès de ces travailleurs immigrés. Et Hamza, c'est un peu un transfuge de cet univers du MTA qui va compagnonner avec les pionniers de Libération et d'autres figures qui vont parler des artistes issus d'immigration, qui vont parler des intellectuels du monde arabe, qui vont sortir de l'ethnocentrisme. Eux, ils vont changer ça. Hamza va changer ça. Avec d'autres, ils vont changer ça. Ils vont ouvrir ces univers-là à ces invisibles que sont l'immigration. Et là, j'étais jeune, j'adorais mes cheveux, moi. Les cheveux, je les ai laissés comme ça, mais je les ai abîmés parce qu'il n'y aurait pas dû s'en occuper. Voilà. Nous, on a sorti Fidei, un journal de la révolution palestinienne. Fidei a eu un très grand succès. Moi, c'est le premier journal que j'ai fait. Et puis après, je me suis spécialisé dans les journaux et dans la fabrication des journaux. Et ça a été... Donc, tout le printemps, après le printemps et l'été 72, il y a eu la préparation de Libération. On s'est dit, on va passer de la cause du peuple, qui était le journal des Mao, qui était lu par les gens autour de nous, mais qui n'était pas, c'était pas 100 000 personnes qui disaient ça. Vous voulez faire un journal qui devienne un peu le François de gauche, en gros. Donc, le premier numéro de Libération, il a eu lieu le 2 mai 73. Voilà. En l'occurrence, à ce moment-là, moi, j'étais sur le point d'intégrer Libération définitivement pour devenir le monteur offset. Donc, c'était un métier que je connaissais pas, mais j'ai appris sur le tas. On était à Libération, on était en plein dans une sorte de transformation iconographique par la venue de quelqu'un qui s'appelait Antonio Bellavita, qui était un maître de l'art, de l'architecture des journaux. Il était un premier prix de Rome, donc quelqu'un de très puissant. Moi, je finissais la DH, la dernière heure. Je finissais la dernière heure et j'allais sur lui pour voir comment est-ce que Antonio, il réalisait les titres. D'habitude, la une, on la calque et puis elle reste à 2-3 ans. Tous les jours, il changeait de une. Tous les jours, c'était une œuvre d'art. Là-dessus, on a un copain arménien qui travaillait dans la photogravure. Il me dit, Hamza, avec ce gars-là, on va faire quelque chose. Je lui dis quoi? Il me dit un journal. Un autre journal. Le journal des Arméniens. Est-ce qu'il peut accepter de nous faire quelque chose? Je le prends, on discute. Et je lui dis, tu nous fais le logo uniquement. Charge pour moi de faire les 24 autres pages. Tous les samedis, on faut que je s'occupe de ça, puisque samedi, on travaille pas. Dimanche, on travaille. Ça, c'était 78. En 79, des Arabes veulent un journal. N'est-ce pas? Les Arabes veulent un journal. Ils sortaient d'un journal qui s'appelait La Voix du Travail Arabe. Donc, il me dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui ai dit, il faut faire le logo déjà. Il me dit, le logo, je le fais, sans frontières, je le fais. Encore une fois, on allait trouver une plage samedi pour l'hebdomadaire. Et tous les copains de Libé ont participé. On le tirait dans une grande imprimerie. Et donc, à 4h du matin, je suis encore debout pour sortir les épreuves. Bref, ça a duré, dans les locaux de Libération, ça a duré à peu près 3-4 ans. C'était fou, c'était fou. Et ça se vendait bien? ça s'est vendu bien jusqu'à la mort de Bob Marley. Tu arrives à... Et dans tes grandes boîtes là-bas, je vois Sans Frontières. Ouais. Et donc, Sans Frontières. Sans papier. Sans papier. Film immédiat. Il y a Rap, c'est Rock Against Police. Des documents d'époque. Les journaux de Rock Against Police, des photos, tout ça. Il met le musée de l'immigration. Égypte. Bon, ça c'est. Les publications des médias. Sans Frontières, alors. On regarde Sans Frontières ? Il y a une autre boîte quelque part avec Sans Frontières, mais... Tac. Ah, regardez la couleur. C'est jaune comme un ancien morceau de scotch. C'est le... Mais bon, ça c'est aussi... c'est le tabac, c'est le temps. Regarde voir et je vais amener un autre paquet avec les grands formats. Ici, c'est l'antre secret. Ah oui, ça, c'est la caverne de trésors des archives de l'immigration, d'accord. Ça, c'est le dernier numéro. Alors, ciao l'immigration. Avec, moi, je suis... Ça m'a énervé, ça. Bon. Et c'est le dernier numéro d'avril 84. Pourquoi ça t'a pas plu, le titre? Parce que c'est alors ciao l'immigration, point d'exclamation, point d'interrogation. Alors, il y a le point d'interrogation, mais en réalité, c'est une affirmation comme quoi, bon, ça y est, maintenant, les années immigrées, c'est fini. Et puis, c'est une manière de dire, maintenant, on n'est plus des immigrés, on s'occupe plus d'histoire d'immigration, on est des franco-franco. Et c'est vrai que ça, c'était, à un moment donné, une des tendances... La politique des socialos, c'est de dire, bon, bah, maintenant, on vous a reconnu de nouveaux droits, droits d'association, droits de trucs, et ça. Et il faut vraiment effacer la dimension immigrée, et dire des Français à part entière, et pas entièrement à part. Voilà, tac. Cette antenne est celle d'une radio libre qui s'adresse aux gens d'ici. Ici, c'est la Goutte d'Or à Paris, au pied du Sacré-Cœur. C'est le quartier des travailleurs immigrés. Vous êtes sur Radio Soleil, radio interculturelle pour toute l'immigration et tous les autres. Alors, je lance un appel à tous les amis et les frères qui nous écoutent pour nous téléphoner aussi. Mokhtar Bachiri, cofondateur du mouvement des travailleurs arabes. Pour ceux, en tout cas, qui ont vécu les événements d'Algérie en 61 et en particulier... La manifestation dans laquelle il y a eu beaucoup de morts de nos frères. Des gens comme Mokhtar s'occupaient plutôt de la radio. D'octobre 1961. Moi, la radio, par exemple, le jour de la venue de Mitterrand au pouvoir, le 10 mai 81, je suis sorti du journal à minuit et tous les copains sont partis à la Bastille. Moi, je suis parti à la Goutte d'Or, parce qu'à la Goutte d'Or, on avait un local qui s'appelait Assez Fashion. On avait intégré une petite équipe qui s'occupait des radios. Des radios à l'époque, les radios libres. Ce jour-là, Mokhtar me donne rendez-vous à la sortie du journal. J'arrive à minuit et demi à la rue Stephenson et il monte la radio et il la met en audience. La première fois, il la met en audience. Et ça a été incroyable. C'était toute la nuit, on a vécu jusqu'à 6-7 heures du matin avec des gens qui nous écoutaient. Je te jure, il y a eu 168 personnes dans la soirée, la première soirée, qui nous en parlaient, qui nous ont donné des messages là-bas à la Goutte d'Or. Les gens, ils étaient allumés déjà par Mitterrand. Et c'était la Goutte d'Or, la naissance de la Goutte d'Or. C'était la Goutte d'Or, c'était Mokhtar qui l'a monté. Et il est resté des années dessus. Donc la radio, les auditeurs, ils répondaient, mais ils répondaient à bloc, hein, ils bloquent. C'était, on a repassé un mouquetteur, mais il devenait fou. il est dingue. Hein. Pour nous tous, pour les Algériens, hein, pour moi aussi, c'est les événements du Liban, c'est les frères palestiniens. Et aussi un côté positif, c'est un peu l'équipe d'Algérie qui a eu... Je pense qu'il a fait mission en Espagne, qui a quand même fait plaisir à tous les Algériens. Et surtout à nous, même nous les femmes. Bien, ben écoute, je te remercie. Merci Zahia. Et en gros, ce que tu viens de dire, je pense que c'est l'opinion générale de toute l'immigration ici à Paris. Le bonjour à toute l'immigration et à nos amis français. Au revoir Zahia. Au revoir. On estimait qu'on avait 50 000 à 100 000 auditeurs. On était une des radios libres les plus écoutées. Tout le quartier, les gens qui vendaient des postes de radio nous adoraient. Parce que les gens dans leur petite chambre de bonne, etc., sont tous allés acheter des transistors pour pouvoir écouter Radio Soleil, pour pouvoir intervenir sur Radio Soleil. Au départ, il y a eu des scènes fantastiques. Mokhtar, qui était un des animateurs, faisait la nuit. Et puis, les gens téléphonaient et on les met. Et il y a quelqu'un qui était descendu, qui était en communication dans une cabine téléphonique, en train de parler à Mokhtar, de raconter quelque chose de sa vie, etc. Et il y a un type qui habitait de l'immeuble en face de la cabine téléphonique, qui écoutait la radio et qui veut savoir si c'est vraiment quelqu'un qui parle. Donc il l'avait repéré et il descend pour dire « Ah, je suis un auditeur de Radio Soleil !» Et l'autre qui s'enferme dans la cabine, là c'était une jeune femme, qui s'enferme et qui dit « Je suis agressé, il y a un type qui fait des croches !» Du coup, Mokhtar lance un appel, il y a des mecs qui débarquent de tous les coins. Voilà, c'est un grand village. Mokhtar arrive le mois de novembre, Mokhtar dit « J'ai froid !» à la radio. On n'a pas de chauffage. Dans les jours qui ont suivi cet appel, on avait de quoi ouvrir un musée de tous les appareils électriques possibles, inimaginables, détenus par la population immigrée pour se chauffer dans les logements. Des appareils incroyables. Donc ça, c'est une série de cassettes audio. Donc, voilà, c'est dans des boîtes à chaussures ou dans des boîtes à... Et encore. Et là, c'est Ahmed qui nous appelle. Ahmed, je vais t'ouvrir l'antenne. Bonjour. Oui. Au sujet de 17 octobre 61. Oui. Bon, il se trouve que moi, à l'époque, j'avais 19 ans. Dis-moi, Ahmed, je te copie une seconde. Tu nous appelles d'où ? Allô ? Oui, oui. Tu nous appelles d'où ? J'appelle de Garges-Lagonnaise. Garges-Lagonnaise, oui. Bon, à l'époque, j'avais 19 ans, et je demeurais passage du Petit Cerf dans le 17e arrondissement. Et bon, on a eu des tracts prévenant la manif, quoi. Mais la police était déjà au courant de ce qui allait se passer. Moi, personnellement, je suis parti par le Pont Neuf, là. Je me suis retrouvé à Saint-Michel, et de Saint-Michel, je suis revenu sur le Châtelet. Et là, il y a deux inspecteurs de police qui sont sortis derrière un Porsche. Ils m'ont arrêté, ils m'ont embarqué au château de Vincennes. Et le soir, vers les coups de 10h, 10h30, il y a d'autres frères qui sont arrivés avec plein de bosses, ils saignaient de partout. Et là, ils ont sélectionné. Il y avait des gens qui étaient mis à gauche et d'autres qui étaient mis à droite. Ceux qui étaient mis à gauche, c'était la direction La Seine. Et bon, malheureusement pour moi, j'étais de ce côté qui est gauche. Je me suis retrouvé donc sur les bords de Seine, vers vers l'île Saint-Louis, là, un peu par là. Et je commençais à nous attacher, à nous préparer pour la baignade. J'ai été attaché les mains dans le dos, commençais à m'attacher les pieds aussi. Il y avait dans le quart de police, là, à l'époque, c'était des Renault, des véhicules Renault là, qu'ils avaient. Il y avait des pavés. Et ils ont commencé à nous ficeler, les bras, les mains derrière le dos, les jambes, tout ça. Et ils allaient nous jeter dans la Seine. Et enfin, pour moi, j'ai eu une chance inouïe. C'est qu'il y a un inspecteur de police qui est venu. Enfin, je sais pas, je pense que c'est un commissaire. Il est venu, il a dit, et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Bah, il dit, on l'a arrêté comme les autres, il vient d'où ? Alors, j'ai dit que je venais du château de Vincennes. Il dit, bon, remonte dans le car. Ils m'ont redétaché, je suis remonté dans le car. Ils m'ont emmené au poste de police, là, qui est à l'Hôtel Dieu. Ils m'ont tabassé à mort. Ils m'ont ramené au château de Vincennes. Amen. Et je suis resté jusqu'au 28. Amen. Oui. Est-ce que... Ah, j'entends très mal. Est-ce que vous avez vu des Algériens jetés à la Seine ce soir-là ? Ah oui, ça, Ils ont été jetés dans l'eau, vous l'avez vu de vos yeux. Oui, j'ai vu de mes yeux. À l'époque, bon, maintenant je suis aveugle depuis 7 ans. Hein. Aveugle? J'ai eu un accident de voiture là, il y a 7 ans. Oui. Et à l'époque, je vous dis, j'avais 19 ans. Je me rappelle très très bien ce qui s'est passé. Hein. Il y a des centaines de personnes qui ont été balancées dans la Seine. À un moment donné, après les premières luttes des travailleurs immigrés de Renault-Billancourt et ça, les comités d'entreprise de Renault ont intégré les revendications culturelles des travailleurs immigrés dans l'usine. Ce qui est un peu oublié, c'est la production importante de cassettes audio diffusées sur les chaînes, dans l'usine, ça, pour un prix très modique. Et c'est des cassettes, comme on peut le voir, assez... Wow, c'est du piratage. Oum Kulsoum a écrit en français et en arabe. Musique moderne, enregistrement stéréo, moderne égyptien. Tout ça imprimé de briques et de broc. Il faudrait que je le recolle, mais c'est en train de partir en morceaux. En revanche, au début de Radio Soleil, on était très pauvres, on n'avait pas de moyens à ça. Il y avait une obligation d'enregistrer nos émissions. Puis on voulait aussi les garder en mémoire. Et donc, on avait sous la main des cassettes. Donc des gars, des anciens de Renault, nous apportaient par des centaines. Et on se servait de ces cassettes-là pour enregistrer nos émissions. Et malheureusement, bon, il y a des centaines et des centaines de personnes qui ont eu la même pratique. Et je suis sûr qu'il y a encore des cassettes qui traînent quelque part. Même Bernard. Enfin. Donc avec Bernard... Alors, je sais pas si j'ai raconté comment le duo qu'on faisait à Bernard Lehambre. Oui, alors peut-être Bernard et éventuellement les autres invités qui sont nombreux là dans les studios. Quelques commentaires sur la grève. Puisque la grève continue demain et qu'elle a touché au moins 60% des effectifs, ben on va leur demander d'ouvrir les portillons. C'est gentil, pensez à nous, ouvrez les portillons. Ouais, parce que sinon, à Radio Soleil Goutte d'Or, on va faire grève du bulletin d'information. Et là, depuis la rentrée, la campagne électorale pour les municipales de 83 s'est ouverte sur un certain nombre de meurtres ou des beaufs, comme on dit, c'est-à-dire souvent des Français des couches défavorisées, ont tiré au 22 long rifle contre des jeunes. Sont des très jeunes immigrés. C'est le cas, nous l'avons dit, à la cité de transit de Gutenberg de Nanterre. Alors je crois, Samir, que pour terminer ce journal, tu as un poème qui a été écrit par un ami de Guémaï sur justement ce meurtre, tentative de meurtre, puisqu'il est encore vivant et que nous espérons le revoir très bientôt. Oui. C'était un samedi, je crois. Vous étiez quatre, vous parliez tous à haute voix. Tu racontais une de ces histoires qui te font plier de rire. Depuis presque une heure, il faisait déjà tout noir. À peine avais-tu fini de raconter, quand soudain, de loin, quelqu'un a tiré. Un coup, puis deux, bientôt cinq. Te v'là raide sur le trottoir, encore un Dupont-Labière qui te fait squatter par terre. Pourtant, c'était pas un Messrine, un Viloquet ou un Buisson. Être ou ne pas être avec la couleur de ta peau, il n'y a pas de raison. Tu faisais des études ou je ne sais quoi. T'étais pas de la clique, t'étais pas hors la loi. Et puis prendre 10 ans pour un arabe, t'avais déjà vu ça, toi. Depuis l'ouverture de la chasse au gibier, ça ne manque pas. On lira un jour dans Le Parisien, en 6 lignes, dans les faits divers, que lui, le pauvre, il y était pour rien, que c'était un bon père, un bon citoyen, qu'un témoin était là, qu'il avait fait la dernière guerre. Il buvait jamais de bière, c'était pas un alcoolo. Il était au régime, il sortait d'un ulcère, pour te dire qu'il vivait d'amour et d'un peu d'eau. Quelque temps après, il ira au palais de justice, sous son coustard, une belle chemise. Au bout d'une heure, elle tranchera sa justice, et allons enfants, 5 ans avec sursis. Ils te solderont pour pas cher. Encore une fois, l'avocat aura l'air con. Pour toi, Farien, tu l'emportes avec toi, ta misère. Alors, Rock Against Police, ne serait-ce que par la dénomination, a été perçu par les milieux ex-MTA comme trop radical, ou en tout cas trop incontrôlable. Comme souvent, les anciens du MTA avaient quand même cette culture du contrôle des enfants, un peu style commissaire politique, pour le meilleur et pour le pire. Mais là, ça sortait, c'était pas leur culture, c'était pas leur... Ce qui est pas totalement vrai, puisque Hawkins Police et nos pratiques culturelles se voulaient aussi dans la continuation de la culture et des expériences culturelles, des portes ouvertes d'un seul contra ou de la RACFA. Rock Against Police, pourquoi ? Donc c'était des concerts, pourquoi ? Alors, Rock Against Police, c'est des concerts qui ont démarré en 1980, suite à la mort de Kader Larèche, tué par un concierge dans une cité à Vitry-sur-Seine. Donc le 16 février 1980, pour être précis, il y a une mobilisation importante des jeunes et des familles. Et on s'est dit, bon, ça suffit. Les 22 longs rifles qui sont en vente libre dans les supermarchés, et ça suffit, la pression des municipalités et des bailleurs sociaux qui ferment les lieux de retrouvailles pour les jeunes. Et donc, un des premiers actes de la mobilisation contre la mort de Kader, ça a été d'occuper un préfabriqué, plus ou moins vide, qui était en face de la cité Cousy où est mort Kader. Et au-delà, qu'est-ce qu'on fait ? Pour marquer le coup, on s'est dit, et pourquoi on n'organiserait pas des concerts gratuits et de qualité dans la cité, un samedi après-midi, pour convier les habitants, les familles et voir les gens des autres banlieues pour se réapproprier l'espace contre la présence policière, contre les flingues, etc. Et ça nous changeait de cette pratique des caves. Par exemple, beaucoup, vu la fermeture de la patinoire et d'autres lieux publics, ils squattaient les caves. Et ouais, mais on n'est pas des rats. Donc, le premier concert Rock'n'Roll Police a eu lieu le 19 avril 80 à Paris. Bon, eh bien, Rock Against Police a commencé. On est à Nanterre, près de la cité de transit des Doucets. Radio Soleil Goutte d'Or, 1981. Mohamed, pourquoi es-tu venu jusqu'à Nanterre ? Tu habites Nanterre ? Non, j'habite pas à Nanterre, j'habite une cité à côté, une ville, c'est Villeneuve-la-Garenne. Et j'étais venu pour voir et connaître des gens, écouter la musique et aussi avoir des contacts avec les jeunes immigrés. Oui, on a dû sortir parce qu'à l'intérieur, on ne pouvait pas faire d'enregistrement tellement saga et déchaîné ce soir. Dis-moi, Mohamed, tu prépares quelque chose à Villetaneuse, à la faculté, le 29 mai. Tu peux en parler brièvement ? Oui, alors, oui. Des étudiants de la fac de Villetaneuse et quelques enseignants, on a décidé d'organiser une journée débat, réunion débat, avec comme thème central la jeunesse immigrée et avec quatre subdivisions, quatre groupes de sujets qui porteront sur la délinquance, le retour avec le rapport avec le pays d'origine, la jeune femme et la jeune fille immigrée et ensuite et enfin, la multiracialité. Alors ça déroulera le samedi 29 mai à la fac de Villetaneuse. Bon, bien sûr, merci. Oui. Bon. Beaucoup d'enfants d'immigrés ont vu leurs parents ne pas transmettre la fierté et le patrimoine des luttes de l'indépendance, par exemple, pour notre pays du Maghreb, parce que leurs parents ont l'âge d'avoir vécu ou fait la guerre, ou en tout cas combattu le colonialisme, de manière passive ou active, quand ils ne sont pas, bien sûr, liés aux faits rapatriés ou harkis, ils font partie de ces familles qui ont la possibilité de se targuer d'avoir participé à la décolonisation. Et pourtant, le silence est de mise. Et ce silence va nourrir ce mythe, y compris chez les enfants d'immigrés, de parents qui subissent, de l'ouvrier victime qui baisse les yeux et qui demande à ses enfants d'être calmes et silencieux pour ne pas risquer l'expulsion. Les parents n'ont que ce mot à la bouche et n'ont pas su transmettre les récits héroïques de la lutte pour la libération de leur pays d'origine, y compris depuis l'immigration, depuis leur exil en France. Et c'est cette rupture de récit un peu héroïque, et aussi l'image qu'on a transmise médiatiquement aux enfants de l'immigration, notamment quand on a célébré les beurs dans les années 80, où on opposait, dans le journal Libération, on opposait la génération des beurs, qu'on pouvait intégrer, qui était le chaînon manquant vers l'intégration, et celle des parents qu'on ne pouvait pas intégrer, qui avaient vocation à rentrer, comme si on pouvait scinder en deux les familles, comme si la génération des parents qui n'avaient plus de travail devait rentrer chez elles, et que ces enfants d'immigration qu'on surnommait les beurs étaient les Français de demain. Et ce malentendu, qui va se nourrir du mythe du retour qui va s'effondrer à la fin des années 70, explique encore aujourd'hui, en 2021, pourquoi il n'y a pas eu de transmission des mobilisations et des luttes portées par la génération militante des années 70, qui pourtant est à l'origine de toutes les victoires juridiques, symboliques et patrimoniales des Français d'origine maghrébine en France aujourd'hui. Nous sommes des enfants des quartiers nord, nous sommes des enfants des quartiers nord, et après ça fait loin jusqu'au vieux port, et après ça fait loin jusqu'au vieux port. Il y avait des vaches et des cochons, il y avait des vaches et des cochons, à l'endroit où se trouvent nos maisons, à l'endroit où se trouvent. C'était Ici Radio Racifa, la cassette retrouvée, avec Amel Mohamedi, Naïma Yahi, Mognis Abdallah, Philippe Toncelin, Bernard Lehambre, Hamza Bouziri et Mortar Bachéry. Coordination Perrine Kervran, attachée d'émission Marie-Vonne Abolivier, archives INA et archives de l'agence IMEDIA. Mixage Claude Nior, un documentaire de Hajar Ben Boubaker réalisé par Angélique Thibault. Si tu veux te construire une belle villa, si tu veux te construire une belle villa, va la construire ailleurs, ici c'est pas pour toi. Va la construire ailleurs, ici c'est pas pour toi. On dit que c'est un quartier mal fréquenté, on dit que c'est un quartier mal fréquenté. C'est rempli d'ouvriers. De la première marche pour l'égalité, les reporters de Média Soleil Paris et Radio Gazelle à Marseille. LSD, pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous écouter à Barbès, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Anaï Morales et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter partout et tout le temps, le podcast, sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour nous parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et pendant 15 jours, grâce à Tank, notre partenaire, vous pouvez voir jusqu'au bout du collectif Ciné-Lutte pour prolonger cette semaine sur le mouvement des travailleurs arabes. Il y a un lien exprès sur la page de l'émission. Demain, deuxième épisode, quand la goutte d'or fait déborder le vase. Mais en attendant, restez à l'écoute.